Lévitique chapitre 6. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, quand quelque personne aura péché, et aura commis un crime contre l'Éternel, en mentant à son prochain pour un dépôt, ou pour une chose qu'on aura mise entre ses mains, soit qu'il l'ait ravi, soit qu'il ait trompé son prochain, ou s'il a trouvé quelque chose perdu, et qu'il mente à ce sujet, ou s'il jure faussement sur quelqu'une de toutes les choses qu'il arrive à l'homme de faire, en péchant à leur égard, s'il arrive donc qu'il ait péché, et qu'il soit trouvé coupable, il rendra la chose qu'il aura ravie, ou ce qu'il aura usurpé par tromperie, ou le dépôt qui lui aura été donné en garde, ou la chose perdue qu'il aura trouvée, ou tout ce dont il aura juré faussement. Il restituera le principal, et il ajoutera un cinquième par-dessus à celui à qui il appartenait, il le donnera le jour qu'il aura été déclaré coupable. Et il amènera pour l'Éternel au sacrificateur la victime de son péché, savoir un bélier sans tare, prix du troupeau, avec l'estimation que tu feras de la faute. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, pour tout ce qu'il aura fait en quoi il se sera rendu coupable. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, commande à Aaron et à ses fils, et leur dit, c'est ici la loi de l'Holocauste, l'Holocauste demeurera sur le feu qui est sur l'autel, toute la nuit jusqu'au matin, et le feu de l'autel y sera tenu allumé. Et le sacrificateur, vêtu de sa robe de lin, mettra ses caleçons de lin sur sa chair, et il lèvera les cendres après que le feu aura consumé l'Holocauste sur l'autel, puis il les mettra près de l'autel. Alors il dépouillera ses vêtements, et s'étant vêtu d'autres habits, il transportera les cendres hors du camp, en un lieu net. Et quant au feu qui est sur l'autel, on l'y tiendra allumé, et on ne le laissera point éteindre. Le sacrificateur allumera du bois au feu tous les matins, il arrangera l'Holocauste sur le bois, et il fera fumer les graisses des offrandes de prospérité. On tiendra le feu continuellement allumé sur l'autel, et on ne le laissera point éteindre. Et c'est ici la loi de l'offrande du gâteau, les fils d'Aaron l'offriront devant l'Éternel sur l'autel. Et on lèvera une poignée de la fleur de farine du gâteau, et de son huile, avec tout l'encens qui est sur le gâteau, et on le fera fumer en bonne odeur sur l'autel pour mémorial à l'Éternel. Et Aaron et ses fils mangeront ce qui en restera, on le mangera sans levain dans un lieu saint, on le mangera dans le parvis du tabernacle d'assignation. On n'en cuira point qui soit fait avec du levain, je leur ai donné cela pour leur portion d'entre mes offrandes faites par feu, c'est une chose très sainte, comme la victime pour le péché, et la victime pour le délit. Tout mâle d'entre les fils d'Aaron en mangera, c'est une ordonnance perpétuelle en vos âges touchant les offrandes faites par feu à l'Éternel, quiconque les touchera sera sanctifié. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, c'est ici l'offrande d'Aaron et de ses fils, laquelle ils offriront à l'Éternel le jour qu'il sera loin, savoir la dixième partie d'un épha de fine farine, pour offrande perpétuelle, une moitié le matin, et l'autre moitié le soir. Elle sera apprêtée sur une plaque avec de l'huile, tu la porteras ainsi rissolée, et tu offriras les pièces cuites du gâteau en bonne odeur à l'Éternel. Et le sacrificateur d'entre ses fils qui sera loin en sa place, fera cela par ordonnance perpétuelle, on le fera fumer tout entier à l'Éternel. Et tout le gâteau du sacrificateur sera consumé, sans en manger. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, parle à Aaron et à ses fils, et leur dit, c'est ici la loi de la victime pour le péché, la victime pour le péché sera égorgée devant l'Éternel, dans le même lieu où l'Holocauste sera égorgé, car c'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira la victime pour le péché, la mangera, elle se mangera dans un lieu saint, dans le parvis du tabernacle d'assignation. Quiconque touchera sa chair sera saint, et s'il en rejaillit quelque sang sur le vêtement, ce sur quoi le sang sera tombé, sera lavé dans le lieu saint. Et le vaisseau de terre dans lequel on l'aura fait bouillir, sera cassé, mais si on l'a fait bouillir dans un vaisseau d'airain, il sera écœuré, et lavé dans l'eau. Tout mâle d'entre les sacrificateurs en mangera, c'est une chose très sainte. Nulle victime pour le péché dont on portera du sang dans le tabernacle d'assignation, pour faire la propitiation dans le sanctuaire, ne sera mangée, mais elle sera brûlée au feu.